refus, de telle sorte que la question « comment surgit la violence ?» est inséparable d'une autre « comment surgit notre sentiment de violence, notre refus de la violence qui est présent d'emblée dans la question elle-même ?» Mais il faut quand même se demander ce que c'est que la violence en général, essayer de s'interroger sur le sens de cette étrange notion qui a une histoire et comment la relier, comment cette histoire la relie de plus en plus profondément justement à l'expérience humaine elle-même, qui certes est subjective mais qui n'en est pas moins réelle. Subjectif ne veut pas dire fictif, subjectif ne veut pas dire relatif, subjectif veut dire tout aussi réel que cette partie du monde qui constitue les objets. Et dire que le sentiment de violence est subjectif, ce n'est pas pour autant le relativiser. Mais que veut dire d'abord ce mot « violence » pour le comprendre? Il faut revenir à sa définition la plus ancienne et peut-être la plus surprenante, la traduction latine d'un terme grec qui, chez Aristote, désigne des mouvements contre nature. On dit qu'un mouvement est violent, violens en latin, on dit qu'un mouvement est violent quand il contredit un mouvement qu'on suppose naturel, qu'on suppose lié à la nature profonde d'un objet. Par exemple, pour Aristote, chaque objet ayant une nature, ayant une finalité à réaliser, tendant de toutes ses forces à réaliser cette finalité, cela vaut aussi pour les mouvements des corps physiques, et par exemple la pierre est censée aller vers le bas, vers la terre. Et quand on lance la pierre vers le ciel, on lui imprime un mouvement contre nature, un mouvement violent, de telle sorte d'ailleurs qu'elle se bat contre ce mouvement et qu'elle reprend au bout d'un moment son mouvement naturel et que, aussi haut qu'on l'ait lancé, elle finit toujours par retomber, elle retombe dans sa nature contre la violence. C'est comme si elle la refusait. Ce sens du mot « violence » comme contredisant un mouvement naturel a disparu évidemment de la physique, mais peut-être il nous donne un indice pour la violence au sens le plus précis du mot entre les humains. Il faut comprendre ce que la violence vient en effet contredire, et ce qu'elle vient contredire toujours, ça n'est jamais seulement un corps qui serait posé là et qu'un mouvement violent viendrait tout simplement détruire, comme on parle d'un vent violent, une sorte d'intensité de force qui fait qu'un corps viendrait en détruire un autre. Non, ce que la violence vient contredire, c'est toujours une attente subjective. C'est cette attente du bien dont parlait Simone Veil qui fait que, d'une certaine manière, on dit que le vent devient violent. Ce n'est pas seulement une sorte d'accroissement objectif de son intensité, ce serait une sorte d'image. On dit que le vent devient violent alors qu'avant, il était doux, avant il venait nous caresser, et voici que tout à coup il peut nous détruire. Le même vent qui vient satisfaire notre attente du bien, notre attente de la fraîcheur, notre attente de la douceur, voilà que tout à coup, il peut nous détruire quand il monte en puissance, quand il peut devenir un cyclone ou un ouragan. Mais alors il faut aller encore plus loin. Ce n'est pas seulement notre attente du bien en général que la violence vient contredire. Ce que la violence vient contredire au fond, et c'est pourquoi il faut parler, à mon avis en tout cas, plutôt de violation que de violence, ce que la violence vient contredire, ce n'est pas l'attente du bien en général de notre âme, comme parle Simone Veil. Ce qu'elle vient contredire, c'est notre attente du bien de la part d'autres êtres qui devraient nous en procurer, de la part de ceux qui devraient nous protéger contre justement la violence possible du monde, de la part des autres humains qui devraient, et ce mot est important, prendre soin de nous. La violence vient donc contredire une relation qui devrait nous protéger, c'est pourquoi elle nous paraît non seulement comme un degré de force, mais comme une contradiction morale, comme un mal, comme ce qui ne devrait pas être. Elle vient contredire la protection possible entre les humains, elle intervient toujours dans les relations humaines. Il n'y a de violence, ou plutôt de violation, que de la part de quelqu'un qui devrait nous procurer le contraire, et c'est ce sentiment de violence, quand il surgit entre nous, ou de violation entre des êtres qui devraient se protéger, qui est à l'origine de la violence. Comment surgit la violence entre les humains qui devraient s'en préserver? Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission, et une semaine sur François Truffaut demande beaucoup de travail, comme vous pouvez vous en douter. Merci à Thomas Beau qui a fait les montages de ces films et qui va réaliser toute cette semaine. Merci à Manon de la Selle qui a préparé cette émission, avec Jules Barbier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Souad Boukorsa. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur François Truffaut. Demain, on sera en compagnie d'Hélène Frappa,